lokola mpato ya zanga mokengeli me lokola nguma oyo ekweyi na nzembe Serge Tipo Timolebe notikima likunde papa lokola mpato ya zanga mokengeli me lokola nguma oyo ekweyi na nzembe monamu sisi de mon panace Automobile à Brazzaville. Toi et moi main dans la main, quand t'es prévu en chemin, Bolingo yo promette à qui n'a des années de bonheur en amour. Serge Bouya, la monité, Rokonze, la monité, Mama Yvette n'a pas commis de laisser, Armand Anjouana n'a pas connu ses kangaï. Na komi malere mo preso e na yo kaka jani umbeto za ya yo e na pari koko jile ya venise na sengi po putana na ye o solo na pona kalanga Christopher, Ceris, Devi, l'espoir de demain Innocent Zaza na Espagne Poli mweloko ya kobate Bazos Bazondila de la CI, Waché Hilaire Mestra, Maman Nativi, Dan Vétéran, Le Grand Mosindo. Ma préférée, Obligue la masse à Simagno, Soka si présence, Karame Sananayo, Santoana Kokoufaye, La vie n'a rien à ma boko, Yabamounaye, La tabasaligne, Sose, Zéro, Aimé, Azali, Papaya. Satis Nanongo Ta préféré Obime la masse Antimanyo Soka si présence Karame Salanayo Santoana Kokoufaye La vie n'a rien à ma boko Ya Bangunaye Ataba Saligne Sose Zero Eme Azali Papaya Franke Farele Moute Mama Nadege Yende Moute Anise Anita Moute Ma Mère Moumoué Fondation Moute Naina Yeyaka Mama Yeah, l'incomparable.